le classico. C'est le bandito, c'est la rue, la vraie Pachico. Descends en vito. Elle fait la belle, wesh la mystique fada. Gros, dis-moi, je prends quel dernier survêt de Prada. Là, je suis pas loin du Prado. À fond, je nique les radars. Clio 2, je suis carbo. Ce soir, c'est mort, je rentre pas. Je suis dans la zone. T'es jaloux, tu t'abonnes. Que ça charbonne. Si t'as besoin, je donne. Hey, environnement hostile, c'est à nous-mêmes qu'on est livré. Personne pour nous faire justice. On porte nos couilles, nos calibres. Dans la zone, on traumatise. H24 sous drogue, sous cheese. Fuck la police. Ils veulent nous voir dans les mailles du filet. On connaît la technique, Zinga et Bolide, plus la logistique. Tu parles trop, on agit. Garde la théorie, on préfère la pratique. A4 dans un braco. Si ça foire, 3 sèches, oh comico. Grosse équipe de locaux, Marseillais, Parigo, c'est un grand classico. Maman m'a dit, faut faire gaffe à eux. Pour faire du sale, ouais, je suis bien la seule. Depuis le départ, je m'en remets à Dieu. Maintenant que tu rages, bah, c'est bien marre. Je veux que de l'or dans les mains. Je m'en vais charbonner à demain. Aussi c'est le name, retiens bien. Des blessures de cœur, on se maintient. T'aimerais que je revienne, jamais. C'était la guerre toutes ces années. Maintenant tu repenses au passé. Tes blablas sont dépassés. Paris-Marseille, c'est le classico. C'est sur nous qu'il fallait parier. C'est les cités de France et les barrios. 3, 5, 7 dans le barrier. Paris-Marseille, c'est le classico. C'est sur nous qu'il fallait parier. C'est les cités de France et les barrios. 3, 5, 7 dans le barrier. Ah, ça me fait des manières, j'mets le clignotant. En buvette, j'ai piloté. Elle veut que j'la casse, mais j'ai plus le temps. Je refais, j'ai mis de côté. Dans la zone de l'état, fais la pluie beau temps. Fais pas l'innocent, tu donnes tes potes pour un petit montant. C'est le dé, c'est la rue et les frères reconnaissent. Guetteur sur la chaise, coiffé comme les golasses. Nicolas, on a peur des promesses. Fais pas la princesse, cousine, t'es dégueulasse. Coronet s'accrocher, j'fais le tour de la soudade. J'croise la BAC, la police nationale. Nino Soldado, c'est sensationnel. Ça voulait finir, il y a gauche d'Arsenal. Des soucis personnels, et sors de la chambre de Salma Hayek. Que sa flèche et sa chure sur la Mecque. Le gym m'appelle, j'le rejoins sur Namek. Connu des folies, des bâtards aussi. J'refais mon cœur et toute la carrosserie. C'est rien, c'est que de la jalousie. C'est rien, c'est que de la jalousie. Débarque en char d'assaut dans les rues de Paname. Quand j'étais en l'air, gars, toi t'étais à la. Avec elle dans la cova, on écoute américain. Mira, mira, vol petit pélican. Posé dans le pub, la quiche t'as purple. Le bruit du peuple, on s'affait. Très organisé comme dans Hit, on arrive, t'as peur. Grandis qu'avec des loups, la concurrence est de low. Serre-moi du ruinage, trinque à la nôtre. Ma table que de king, serveur envoie la note. Frère, j'enfoiré et bang. Paris-Marseille, c'est le classico. C'est sur nous qu'il fallait parier. C'est les cités de France et les barrios. 3, 5, 7 dans le barrier. Paris-Marseille, c'est le classico. C'est sur nous qu'il fallait parier. C'est les cités de France et les barrios. 3, 5, 7 dans le barrier. Ah, ça me fait des manières, j'mets le clignotant. En buvette, j'ai piloté. Elle veut que j'la casse, mais j'ai plus le temps. Je refais, j'ai mis de côté. Dans la zone de l'état, fais la pluie beau temps. Fais pas l'innocent, tu donnes tes potes pour un petit montant. Match en air, parc des presse vélodrome, des presse vélodrome. On en sent bien air, des critiques, moi j'ai Neymar, Mbappé, Messi, roseau vieux port, champagne sur les champs. Ok merci, c'est pas la dame de la garde, non, c'est la dame de fer. Bah ouais le sang, vroom. Je fond voix de gauche sur la A7, ça sent le feu go, y'a ma voix sur la cassette. 50-50. Sur bénéf sur la recette, faut le pouvoir d'achat pour le côté fashion. Derrière la tour Eiffel tout est caché, dans le zap parisien côté fâché. Vita au criminel, durer le casting, Paris dans pas tu le verras vers Bastille. Moi. Je vais mettre un vario sur le thé pour le mettre droit. Et quand je marche dans la rue, les gens me disent laisse-toi. Et ces gens qui se prennent pour moi, mais ce n'est pas moi. Moi, moi, moi, moi, moi. Je partais à la gratte même avec la Twingo. J'ai fumé, j'ai bu, j'ai dormi dans ma Twingo. Sans permis, un bleu, ça voulait raser le casino. Je te connais, tu as des gars, me fais pas l'Al Pacino. Histoire d'apaiser tous nos problèmes. Partir loin d'ici m'arrange les mains. Chaque jour y'a des problèmes. Ça se déguise comme des schlaga. Giuseppe Balenciaga. Dans la zone ça se chlasse, chlasse, chlasse. Hey, ça souma pour du taga. Paris-Marseille, c'est